Ah oui. Tu chantais quoi? Tu chantais en latin? Le Barbie. Dans tout merdo, sacramentum, non voce d'attritui, et anticum documentum, pleine de jubilation. Allez! C'est pas beau ça, le tantôt merveilleux?